par tous les saints que font ces saints sur le chemin de Compostelle. Pour surveiller tous ces saints, une nouvelle loi s'impose-t-elle? Ont-ils bu trop d'absinthe? Pourquoi courent-ils après les saintes? Tout cela n'a pas l'air sain. Ont-ils commis quelques larcins dans une auberge près de Sainte? Les saints pactisent avec les saintes, Saint-Patrick et Patraque, mais ils rient, c'est très sympathique, à un saint normand du Vexin qui a apporté du boursin, du saindoux, de porcin, sur une prescription du médecin. Oui, mais pas de piqûre, tout le monde fait épicure, ne sont pas autorisés les saints qui se sont martyrisés. Ceux-là feront ceinture et seront refusés à coup sûr. De toute façon, sa ceinture, on en refusera pour sûr. Au coup de Saint-Bernard, l'ermite le plus vénard pend une bouteille de rhum sur la prescription de rhum. On joue du clavecin, c'est bien mieux que le tocsin. Le bon vin, sapristi, est meilleur qu'à la sacristie. Tous les saints que font ces saints sur le chemin de Compostelle, pour surveiller tous ces saints, une nouvelle loi s'impose-t-elle?